Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je commence cet épisode en vous donnant quelques éléments de contexte sur l'interview qui vient, puisqu'en fait, cette interview, elle a été réalisée il y a quelques mois, au moment où je travaillais à mon prochain livre sur les métiers de demain. Ça fait 3 ans, vous le savez maintenant, que je donne la parole aux personnes qui font les métiers de demain, et à chaque fois qu'on termine l'interview, j'envoie une petite fiche avec des questions pour consolider des fiches métiers, et je me disais qu'un jour, je sais pas, j'allais en faire quelque chose, et puis finalement, j'en ai parlé à un éditeur et on a travaillé depuis un an sur un bouquin qui donne à voir les métiers qui seront normalisés dans la société durable et solidaire de demain qu'on a toutes et tous envie de voir advenir le plus rapidement possible. Et donc, dans ce livre, avec des interviews d'expertes et d'experts, des infographies sur des constats et des alternatives, je propose 4 possibilités d'évolution de l'économie pour se mettre à la hauteur des enjeux du 21e siècle. Et à chacune de ces options, de ces alternatives, de ces projections, je propose une dizaine de métiers avec des fiches standardisées qui sont un peu comme les fiches de l'UNICEF, mais en beaucoup plus et d'une jolie et de deux, en fait, personnifiées, incarnées. Et on se pose la question notamment de la joie, de l'impact et de comment les métiers qu'on vous présente font advenir les 2030 glorieuses. Et donc, l'interview qui suit a été réalisée dans ce cadre-là et je suis très heureux de vous la diffuser pour vous donner un aperçu rapide de ce qui vous attend dans ce bouquin « Mon métier aura du sens » qui sort chez Vuibert le 21 février. Bonjour Tariq Tchak-Tchak. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Je commence par remercier la NEF qui est le partenaire de ce podcast. La NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Et c'est un partenariat qui me permet de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année. Comme Tariq. Tariq, toi, tu es ingénieur écologue de formation et je t'ai rencontré au sein de l'Institut des Futurs Souhaitables où tu es directeur du pôle biomimétisme. On va pas se lancer dans la longue liste de tes responsabilités et ta carrière parce que sinon, ça va nous prendre tout le podcast. Mais ce qui est sûr, c'est que toi, tu as des expériences riches et foisonnantes et que vraiment, vraiment, vraiment, je suis très honoré de te recevoir dans ce podcast 2030 Glorieuse. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et pour les vacances d'été, je souhaitais proposer un format d'échange un peu différent pour prendre de la hauteur sur les métiers de demain et leur place toute particulière en 2030 glorieuse. Nous allons donc parler ensemble, Tariq, de pourquoi le biomimétisme est un accélérateur d'innovation à haute valeur ajoutée en responsabilité sociale et environnementale, ça c'est toi qui le dis, mais aussi d'humilité dans notre relation vivant et de l'action pour surmonter les difficultés du présent. Pour commencer cet échange, Tariq, moi je te pose la même question que je pose à tous mes invités au début. Imagine que tu es un événement où tu rencontres des personnes pour la première fois et arrive cette question fatidique qu'on en vient parfois à redouter. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu leur réponds? Alors, merci d'abord Julien pour cette invitation. Je suis ravi de pouvoir échanger sur ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Bah, j'ai du mal à répondre très très rapidement, mais je vais essayer de le faire quand même avec toi parce que on pourrait se dire, s'inspirer du vivant pour innover, il y a un côté un petit peu tech, avant tout, qui vient dans l'esprit des gens. Alors bien sûr, ça inclut ça, apprendre de 3,8 milliards d'années de recherche et développement, l'âge de la vie sur Terre, sur comment finalement faire avec une économie d'énergie, une économie de matériaux, miser sur l'information, et éventuellement influencer architectes, designers, ça c'est plutôt le biomimétisme de la forme, mais aussi les processus de fonctionnement comme la photosynthèse, comment les plantes sont capables de faire des panneaux solaires incroyables qui sont bien plus que des panneaux solaires, puisque c'est aussi des zones d'échange de gaz, des pompes avec l'évapotranspiration, et tout ça avec des produits, des substances disponibles autour de la plante, dans de l'eau, à température et pression ambiante. Mais ça peut aller aussi jusqu'à observer le cahier des charges qui émerge ces 3,8 milliards d'années, hein, comme justement l'eau comme solvant plutôt que des solvants toxiques, miser sur les atomes légers et pas les atomes lourds. On s'est rendu compte après que ça posait des tas de problèmes de santé humaine et des écosystèmes. Tout déchet est une ressource, etc. Donc ça va vraiment dans plein de directions, mais c'est toujours au service de la réconciliation de l'humanité avec le reste de la toile de la vie. Je le disais en introduction, Tarek, nous on s'est rencontrés à l'Institut des Futurs Souhaitables, qui est en général le cadeau que je recommande à toutes les personnes qui croisent ma route et que je sens en recherche. Et je leur présente souvent notamment le parcours de la Lab Session comme sans doute le plus beau cadeau qu'ils pourront jamais se faire. Et j'avais été assez choqué, fasciné presque, par ton amour pour le vivant. Et je voulais te poser cette question avant de rentrer dans le détail du biomimétisme et de toutes tes recherches. Comment et surtout pourquoi cet amour pour le vivant que tu entretiens et que tu portes et qui finalement guide, j'ai l'impression, en l'occurrence à minima, ton parcours professionnel? C'est une excellente question, Julien. Et je dirais que comme pour beaucoup, ça a commencé tout petit. Hein. Mes parents me racontaient que le plus grand plaisir que j'avais, c'était finalement me fondre dans une forêt, même tout petit, sans en avoir peur d'ailleurs, hein, ce qui était un petit peu des fois un peu inconscient. Je sais que j'allais la nuit, tu vois, en forêt, et quand je disparaissais, que les animaux ne me remarquaient pas, que je pouvais voir passer à côté de moi des animaux sauvages, c'était un grand kiff, mais vraiment un immense kiff. Pareil dans la mer, hein, j'ai eu la chance de grandir au bord de la Méditerranée, c'est aussi des histoires de rencontres, hein, bien souvent, hein, le côté humain est très très important aussi. Un de mes oncles qui était pêcheur, mais vraiment pêcheur du week-end, où j'allais souvent avec lui sur la Méditerranée. Une de mes tantes, ingénieure forestière, une des premières en Afrique du Nord, puisque j'ai grandi en partie en Algérie. Et ensuite, j'ai eu la chance de voyager pas mal pour mes études, mais aussi pour les projets dont j'ai eu la charge. Et puis, je dirais que très rapidement aussi, à travers la biologie, d'abord cerveau peut-être un petit peu rationnel, le côté scientifique, etc., très rapidement quand même, parce que j'en avais envie, hein, la chance de découvrir des écosystèmes absolument incroyables, des îles subantarctiques à l'Antarctique, en passant par le Groenland, l'Arctique canadien, les déserts chauds aussi, l'Afrique, puis l'Amérique latine, vraiment énormément d'endroits finalement que beaucoup rêvent de voir et que j'ai eu la chance de voir, les coraux de la mer Rouge. Et j'ai aussi pu voir ces milieux changer à l'échelle d'une vie qui est la mienne, y compris là où j'ai grandi, maintenant, c'est une ville, alors que c'était la campagne avec des forêts, avec des animaux sauvages qui venaient nous visiter, et maintenant, c'est la banlieue d'Alger. Donc tout ça, finalement, était un mélange en même temps de grande curiosité, un peu de crainte, parfois, avec certains animaux. Quand on croise le chemin d'un ours blanc, eh bien, il y a aussi quelque chose d'extrêmement intéressant qui se passe en nous, hein. L'humilité revient, mais c'est pareil quand on s'approche d'un front glaciaire où il risque d'y avoir aussi des chutes de glace. Et donc, quelque part, il y a un éveil de tous les sens qui se fait à ce moment-là, qui est assez rare, finalement, dans l'homo urbain, quelque part, qui, lui, a besoin d'être attentif à d'autres styles de danger, éventuellement. Mais même ce côté danger, c'est quelque chose qui réveille en nous l'instinct du chasseur-cueilleur, peut-être, qu'on a été pendant des centaines de milliers d'années avant de nous urbaniser depuis la révolution néolithique. C'est un peu une longue réponse, mais je dirais que tout ça a participé peut-être à m'envelopper et à effectivement maintenant à me rendre compte que la nature qu'on a longtemps craint, qu'on a longtemps aussi observée, qu'on a parfois aimée, eh bien notre apparente surpuissance technologique nous conduit peut-être à porter beaucoup plus d'attention à l'empathie, à la relation et à la capacité peut-être de cultiver de nouvelles façons de nous relier au vivant, qui nous permettent de créer de la valeur de manière synergique, pas en détruisant d'autres valeurs naturelles, répondre aux enjeux humains bien sûr, mais aussi répondre et en tout cas écouter les besoins des autres espèces. On va revenir, Tariq, si tu le veux bien, sur cette question de changement de regard, de changement de posture et de nécessité d'humilité pour l'humanité dans les décennies à venir. Et avant ça, je ne peux pas m'empêcher de te poser cette question parce que même si quand je pose la question de cet amour pour le vivant à d'autres, on a souvent des histoires dans notre jeunesse forte où les étoiles dans les yeux arrivent assez rapidement quand on évoque des souvenirs d'immersion parmi le vivant, parmi la nature. Peut-être pas aussi marquante que là, toi qui allais te perdre en forêt, mais toujours est-il que tu as réussi à conserver cette proximité et à continuer à tirer ce fil. Est-ce que tu a réussi déjà à prendre le recul qui te permet d'expliquer pourquoi tu as réussi à continuer à maintenir vivantes ces braises de cet amour pour le vivant qui continue encore à te porter, à te guider. Oui, alors, quelque part, si tu veux, c'est un petit peu dans la continuité de ce que j'exprimais tout à l'heure. Quand tu as eu cette passion très très jeune, quelque part, la question de est-ce que c'est une option, est-ce que c'est raisonnable, ne se pose même pas. Et encore une fois, l'environnement familial, amical, moi j'ai très conscience que j'aurais eu la même passion au fin fond de la banlieue parisienne, eh bien il n'y aurait peut-être pas eu le même terreau pour qu'elle puisse s'épanouir que dans les circonstances que j'ai eu la chance d'avoir. Et puis un soutien aussi de mes proches, hein, qui à l'époque ne voyaient pas trop le type de carrière que je pouvais faire, mais qui m'ont néanmoins soutenu. Je crois qu'il faut toujours rendre hommage quelque part, quand il y a... finalement, il peut y avoir des graines. Et finalement, c'est vrai que cette relation au vivant, elle faisait un peu dans ma famille mon originalité. Mais la graine, elle ne peut pas germer s'il n'y a pas un terreau, s'il n'y a pas de l'eau. Et ça, c'est d'autres humains aussi qui, parfois, nous permettent d'avoir ces circonstances et de nous permettre de fleurir. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu mes propres aventures. J'ai été chercher beaucoup de choses dans ma vie. Hein. Et là, peut-être, je vais arrêter de parler de moi, parce que finalement, ce n'est peut-être pas vraiment le propos, pour dire simplement qu'à un moment donné... l'humain qui crée tous ces problèmes a aussi une capacité incroyable qui est celle de réfléchir sa place dans le monde. Il y a un revers de la médaille, c'est qu'on peut développer des modèles de représentation au monde qui nous coupent complètement des réalités sous-jacentes, hein, des cycles de la vie, des cycles de l'atmosphère, cycles de l'eau, des conséquences de nos actions dans la toile de la vie. Mais ça nous permet aussi la poésie, ça nous permet aussi la philosophie, ça nous permet aussi la connaissance. Et j'adore ce mot « connaissance ». À travers, finalement, le savoir, à travers la science même, le fait de comprendre pourquoi il y a cet arbre ici et pas là, pourquoi il a telle forme, pourquoi, finalement, il y a tels et tels aspects dans les courants marins qui disent une information sur ce qui peut se passer sous la surface de l'eau. Tout ça, finalement, par la connaissance, développe l'empathie, développe... Le fait qu'on ne va pas naviguer sur un océan ou se promener dans un paysage exactement de la même façon parce qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Tu vois, si je prends une métaphore d'un bon vin, au tout début, on ne va pas distinguer les subtilités. Et puis là, il y a quelqu'un où par ta propre expérience, en observant tout simplement, tu remarques des choses que tu n'avais pas remarquées avant. Juste simplement, par exemple, en restant à l'affût, tu vas voir des animaux venir à différentes heures de la journée, se comporter d'une certaine façon, et tu vas augmenter ta connaissance, et donc aussi ton empathie. En tout cas, c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi et que ça continue de fonctionner. Et puis, à un moment donné, il y a un truc bizarre qui se passe, c'est que, tu vois, j'ai fait partie beaucoup de toute cette dynamique hein, qui ne date pas que de ces décennies-là, hein, ça a déjà commencé dans les années 50 et même avant, hein, qui protégeait la planète, sauvait la vie sur Terre, et je ne suis plus du tout dans ce discours-là. J'ai aussi découvert, peut-être à travers tout ce qui est la paléontologie, tout ce qui est le temps profond, tu sais, ces 3,8 milliards d'années, plein d'histoires de la vie, en fait, avec des moments où il y a eu des radiations évolutives, plein d'espèces qui sont apparues, puis des moments où il y a eu des catastrophes incroyables, avec des disparitions parfois de près de 90% de la biodiversité. Et pourtant, ça redémarre. Et pourtant, ça redémarre, ça prend des millions d'années, hein, 5, 10, 15 millions d'années, mais ça redémarre. Et là, tout d'un coup, j'ai réalisé, il ne s'agit pas tellement de sauver la vie sur Terre. Là aussi, c'est une arrogance incroyable de croire que nous, les humains, on est capable de détruire la vie sur Terre. Par contre, la vraie question, c'est mériter vraiment profondément de nous être autoproclamés doublement intelligents, sapiens sapiens. Une espèce qui détruit l'environnement dont elle dépend. Ça, c'est complètement illogique. C'est vraiment complètement illogique. Mais si on prend aussi nos capacités particulières, parce qu'on est dans la toile de la vie, on est une espèce vivante parmi les vivants, si on prend cette capacité à nous interroger sur notre place dans le monde, alors il y a aussi la possibilité de célébrer cette place, la possibilité de cultiver un lien du cœur, un lien empathique avec le reste du vivant. Et ça, pour le coup, c'est une magnifique aventure et c'est paradoxalement, effectivement, dans la crise que de plus en plus de personnes, justement parce qu'on perd le vivant qui nous a accompagnés depuis l'Holocène, justement parce qu'on est en train de bouleverser le système planétaire, qui s'en remettra encore une fois, mais en tout cas, c'est triste de voir à quel point on le bouleverse actuellement, eh bien, il y a un besoin du vivant et on ne peut pas effacer comme ça, allez, disons, 10 à 15 000 ans de sédentarisation avec 200 à 300 000 ans d'intimité profonde avec les espèces qui nous ont accompagnés et qui continuent de nous accompagner d'ailleurs, qu'on le sache ou pas. Justement, Tariq, j'aimerais continuer là-dessus et je suis désolé parce que du coup, je vais te poser une question encore personnelle, mais si on égrenait ton parcours, on verrait ces années d'exploration et puis aussi toutes ces participations à créer des organismes qui sont aujourd'hui reconnus, qui pourraient facilement te mettre dans la posture héroïque du créateur, aventurier, explorateur, dont on ferait peut-être un jour un film. Comme on l'a fait, je vais le dire, le premier qui me passe par la tête, et ma mère m'en parlait tout à l'heure encore, avec le commandant Cousteau. Je pense que Lambert Wilson ne sera plus disponible, mais il y aura quelqu'un d'autre, et c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et à la fois, dans ton parcours, et aussi dans les moments où j'ai eu la chance de te côtoyer à l'IFS, c'était pas du tout ça qui ressortait, cette envie d'être au-dessus, cette envie d'imposer, mais au contraire, une humilité, une écoute, une envie de se mettre au niveau de l'autre. Ma question pour toi, c'est pourquoi justement cette nécessité d'apprendre et donc les techniques de biomimétisme que toi tu portes, ces recherches-là, elles impliquent d'avoir une posture d'humilité plutôt que justement de jouer sur notre double côté sapiens-sapiens, comme tu le disais. Non, ça ne me dérange absolument pas, Julien. Au contraire, je trouve que c'est l'occasion, justement parce qu'on se connaît, qu'on a eu l'occasion de se croiser, de rentrer peut-être effectivement dans une dimension plus intime, et je t'en remercie, parce que je pense que, encore une fois, je l'espère, au-delà de parler de moi, c'est plutôt un partage d'un chemin que j'essaye d'être le plus authentique possible. Ce que j'ai envie de répondre à ta question, c'est de dire, finalement, d'abord, on est très nombreux à travers le monde et dans plein de cultures à être réceptifs à ce besoin de nous réinscrire par d'autres façons de faire, d'autres façons de nous raconter des histoires, où on doit passer finalement du vivant vu comme ressource, du vivant vu comme finalement données techniques, zootechniques avec des statistiques de rendement, etc., au vivant comme allié, ou au minimum en tout cas comme, comment dire, élément à considérer, comme dirait Baptiste Morisot, avec une forme de diplomatie interespèce. Parce que bien sûr, il y a parfois aussi du vivant qui peut poser problème à l'humain, hein, et il ne faut pas non plus être dans l'angélisme. Mais en tout cas, c'est une relation qui est différente de ce point de vue-là. On quitte finalement les métaphores industrielles et les conséquences des premières révolutions industrielles. Tu sais qu'au sein de l'Institut, on aime bien dire que les solutions du XXe siècle sont devenues les problèmes du XXIe. Il ne s'agit pas de brocarder quiconque, mais au moins de se rendre compte maintenant, de tirer les conséquences finalement de l'impasse dans laquelle on se trouve. Et cette impasse, elle concerne également la relation au vivant. Elle est même au cœur, je pense, de cette impasse, cette relation au vivant. On le voit avec la façon dont on consomme, hein, que ce soit la viande ou d'autres, ou encore une fois, le vivant, matière, matériaux, minerais même, on disait à une époque, hein, pour parler du vivant et parler de la production animale, minerais, tu te rends compte, la métaphore complètement, finalement, industrielle, eh bien, on est obligé de passer à autre chose. Et ça ne veut pas dire forcément aller que, même si j'ai beaucoup de respect pour ça, vers la consommation végane. J'ai eu la chance de croiser des tas de cultures qui mangeaient de l'animal, mais avec une considération incroyable, on rendait hommage quelque part. Et rien que ça, ça change beaucoup de choses. Il y a d'autres espèces qui mangent des animaux, hein, c'est pas tellement là qu'est la question. C'est bien sûr la question des quantités, mais aussi la question de la façon de faire, la façon finalement de générer une relation qui peut être extrêmement, destructrice, ou au contraire, empreinte de respect. Je me rends bien compte que je ne réponds pas complètement à ta question, mais je dirais que cette humilité que tu perçois, je pense qu'elle vient tout simplement du fait que je me sens quelque part porte-parole et en aucun cas possesseur de quoi que ce soit. Moi-même, je me suis nourri de tas de philosophies occidentales, orientales. J'ai eu la chance de recevoir le biomimétisme de mon ami Gauthier Chapelle, qui est très impliqué toujours dans ces questions-là. Et c'est toujours une histoire de rencontre, comme je le disais tout à l'heure, y compris dans mon histoire familiale. Et donc, finalement, quand on est honnête, comment peut-on se hisser au-dessus des autres ? Après, il y a des capacités peut-être à mieux faire des synthèses, à mieux communiquer que d'autres. Mais j'ai rencontré des gens qui ne savaient pas communiquer, mais qui savent extrêmement bien prendre soin du vivant. Et ils disent beaucoup plus par leurs gestes, par leur façon de faire, que leurs mots ne pourraient le dire. Donc tout ça, finalement, c'est impossible quand on est lucide. Peut-être, c'est peut-être ça ma qualité, c'est une forme de lucidité. On ne peut pas se raconter d'histoire et dire « je suis meilleur qu'eux » ou « j'ai tout découvert par moi-même ». C'est une grande aventure de l'humanité. Je suis encore très bavard, tu te rends compte, hein, parce que tu me poses des questions qui me passionnent. Mais... Et ça tombe bien, Tariq, hein, on est sur un format de podcast, on a le temps, donc prends ton temps et ça me va bien comme ça même. D'accord, donc ce que je voulais rajouter peut-être, c'est j'ai le sentiment très profond, Julien, qu'on est un peu à une période similaire à la Renaissance, à la fin du Moyen-Âge. J'adore cette métaphore parce que vraiment, c'est ce que je ressens profondément. Quand il y a eu l'apparition, on va dire, de l'humanisme, hein, quelque part, eh bien, au même moment, il y avait les guerres de religion, les catholiques contre les protestants. Au même moment, il y avait l'esclavage qui rebattait à plein régime ces dynamiques destructrices sur nos frères et sœurs d'autres places de la planète. En même moment, il y avait la destruction terrible des Amérindiens. Et pourtant, naissance de l'humanisme, et pourtant Botticelli, et pourtant Michel-Ange, et pourtant etc. Et tout d'un coup, finalement, on se rend compte que ce n'est que parfois 150 ans, 200, plus tard, 200 ans plus tard qu'on a vu les fruits vraiment fleurir de cette période-là. Eh bien, je pense que par rapport à la relation au vivant et à la biologie, on est peut-être dans quelque chose du même style. Et tout l'Institut des Futurs Souhaitables le pense, hein, également Mathieu, souvent, que tu connais bien, le dit. Et quelque part, ce qui a été au cœur de la Renaissance, la découverte, la redécouverte du monde antique, eh bien ici, c'est la biologie et dans tous ses aspects moins scientifiques également, la permaculture, l'agroécologie. Et à mon avis, c'est ça qui est au cœur finalement de cette tentative en plein chaos, on ne va pas le nier, hein, de passer à une autre étape quelque part de notre humanité. Et je trouve que c'est une période particulièrement intéressante parce que on pouvait peut-être avant dire mon village contre le tien, mon empire contre le tien. Et là, tout d'un coup, face au dérèglement climatique, face à la destruction de la toile de la vie, face à la perturbation des cycles de l'eau, nos frontières humaines ne tiennent plus, mentalement même. Alors, c'est douloureux, hein, on a envie de les tenir encore. Il y a des injonctions contradictoires. Mais là, je regardais même le défilé du 14 juillet. C'est pas pour dire, bien sûr, ce qui se passe en Ukraine, c'est terrible. Mais quel homo sapiens sapiens rustre encore, qui célèbre des machines de mort. Et je ne veux pas faire de quelque chose qui est de l'ordre du naïf. Je suis bien content, vu les circonstances dans lesquelles on est, qu'on ait une armée. Je ne suis pas en train de décrier l'armée, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire en termes d'évolution de l'humanité, on en est encore là. Donc il y a encore un immense chemin à faire. Et j'espère que ce que nous cultivons tous ensemble à travers le monde, et je suis loin d'être le seul, dans différentes cultures, peut-être, je l'espère, qu'on en verra les fruits dans quelques générations. Je doute qu'on les voit dans cette génération-là, très sincèrement. C'est pas complètement impossible, c'est peu probable, il faut y croire, il faut y aller. Mais par contre, je suis certain qu'on en verra les fruits dans quelques générations. Justement, Tariq, j'aimerais qu'on lui donne une texture, une couleur, qu'on le caractérise un peu plus, ce chemin à venir. Et je te cite, toi, tu dis que le biomimétisme, c'est un accélérateur de ces innovations à haute valeur ajoutée en responsabilité sociale et environnementale. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi et du coup me donner quelques exemples qui viendraient éclairer les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Et puis, je me permettrai aussi de finir de répondre à ta question précédente par rapport à faire un film. Tu me permets d'abord de répondre à ça et puis. Ouais, bien sûr. Oui. C'était plus un clin d'œil qu'autre chose, mais si tu veux réagir, bien sûr. Oui, mais je veux bien réagir parce que je pense qu'il faut qu'on sorte de cette posture du héros. Je pense que c'est la balle au centre quelque part, la parole au centre, l'intention au centre, la question des communs. Qu'il y ait parfois des personnes plus habiles que d'autres à prendre la parole, à faire des synthèses, comme je le dis tout à l'heure, c'est une chose. Mais on doit absolument, je crois, contribuer à créer des communs parce que nous-mêmes, nous recevons des choses, nous les resynthétisons, nous les reformulons, certes, mais elles ne viennent pas de nulle part. Donc je pense que cette posture du héros, elle doit être un petit peu challengée et notre état de maturité collective viendra peut-être justement de ça. De notre capacité, comme ce qu'on commence à voir quand on a la Convention citoyenne sur le climat ou la Convention des entreprises maintenant sur le climat, c'est pas pour élire un héros sauveur du climat ou de la nation. C'est pour dialoguer, c'est pour faire émerger les valeurs auxquelles on tient tous, c'est également faire émerger nos désaccords et créer un espace favorable à discuter de nos désaccords avec paix. Et tout ça, je pense, est bien plus important que les postures de héros ou de héroïnes sauveurs du monde. Et donc, je te repose cette question, Tariq. Tu disais, je te citais, que le biomimétisme, c'est un accélérateur d'innovation à haute valeur ajoutée en responsabilité sociale et environnementale. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu dis ça ? Je pense effectivement que le biomimétisme est très intéressant pour peut-être accélérer nos transitions souhaitables. Pourquoi ? Parce que au lieu de partir un petit peu, comme c'est parfois le cas en recherche et développement, à tâtons, là, on a des espèces, on a des écosystèmes qui sont passés, qui sont le résultat, finalement, de centaines de millions d'années pour certains d'entre elles. Des requins, par exemple, n'ont pas vraiment beaucoup changé de forme depuis certains d'entre eux des dizaines, voire centaines de millions d'années. Et ils sont passés à travers des tas de changements, et pourtant, ils sont toujours là. Donc, quelque part, si on se pose les bonnes questions, il y a d'incroyables modèles autour de nous qui peuvent nous donner des tas de solutions. Et il y a des exemples que j'adore. Hein, par exemple, si tu veux faire du verre actuellement, tu as besoin de 1000, 1200, voire plus en degrés Celsius. Donc, classique hein, de nos révolutions technologiques, monter en température et parfois monter en pression. Tu as une éponge marine ou même des diatomées, des petites algues marines, qui font des squelettes du verre le plus fin dans de l'eau, à température ambiante, et pour la corbeille de Vénus, donc cette éponge, c'est des eaux froides en plus, c'est-à-dire l'eau, elle est autour de 2, 3, 4 degrés Celsius. Et là, tu te rends compte que tu as la possibilité de fabriquer du verre dans de l'eau et de passer du feu à l'eau. Quel merveilleux symbole quasiment alchimique. Eh bien, figure-toi qu'en se posant les bonnes questions, en étudiant ces modèles, il y a plusieurs innovateurs, plusieurs chercheurs qui ont réussi effectivement à synthétiser du verre dans de l'eau, et ça s'appelle le procédé sol-gel. Alors t'imagines, la dépense énergétique est radicalement différente, et en plus, tu utilises des ressources disponibles autour de toi quand tu es un animal comme une éponge, ou même comme une algue qui flotte dans les océans, une micro-algue. Tu as des tas d'exemples comme ça aussi, où tu vas avoir des façons d'adhérer, qui ne sont pas des cols pleins de produits toxiques, mais qui sont des systèmes d'adhésion avec, comme la moule par exemple, qui adhère sur un rocher, où tu n'as pas besoin d'aller frotter avec des tas de soins pour pouvoir adhérer ensuite. La moule est capable de s'accrocher dans des conditions incroyables, et avec une colle qui dégage zéro polluant. Il y a une entreprise qui s'en est inspirée pour faire des cols pour contreplaqué marin, entre autres, qui dégagent zéro polluant et qui en plus utilisent l'économie circulaire puisque ce sont des déchets de l'industrie du soja qui sont utilisés. Après, il y a d'autres questions qui se posent, hein, d'où vient ce soja, comment il a été cultivé, etc. Donc bien sûr, on n'est pas encore dans des exemples parfaits, mais il y a quand même des pistes qui nous montrent que quand on sait poser les bonnes questions, on trouve des réponses incroyablement intelligente, optimale en ce qui concerne la consommation d'énergie, le type de matériaux ou d'atomes impliqués et les processus aussi de fonctionnement et de fabrication. Qui n'a pas été fasciné, un autre exemple, par le fonctionnement en intelligence collective d'un banc de poissons ou d'un vol des tourneaux ? Eh bien là aussi, si tant est qu'on est clair sur nos intentions, qui doivent être humanistes autant que, comment dire, une recherche de solutions par rapport au dérèglement climatique ou à la destruction de la toile de la vie, mais aussi humaniste, j'insiste sur ça, parce qu'on peut s'inspirer du vivant pour faire des tas d'autres choses, voire pour une dictature écologique, par exemple, hein. Et moi, c'est pas du tout mon propos, c'est les sciences humaines qui doivent rencontrer la biologie et le design, quelque part. C'est un petit peu ça le propos. Eh bien, ce banc de poissons, ce vol des tourneaux, pour faciliter l'intelligence collective pour des bonnes raisons, ce sont des modèles absolument extraordinaires. Alors voilà, tu vois, il y a des tas, en fait, de façons, si tant est qu'on utilise notre intelligence humaine pour savoir pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on essaye de résoudre, et les enjeux de l'époque, on les connaît, hein, toi comme moi, on se mobilise beaucoup pour essayer d'y répondre, problématiques sociales, des inégalités, dérèglement climatique, destruction de la biodiversité. Alors voilà, c'est ça pour moi, la responsabilité sociale environnementale du moment. Peut-être que dans 200 ans, il y aura d'autres questions qu'on essaiera de résoudre, mais pour le moment, c'est sur ça que je me focalise et qu'on se focalise, on est beaucoup à le faire. C'est forcément des exemples très inspirants que tu nous partages. Moi, je viens vers toi avec cette envie de creuser la question des métiers de demain et je voulais savoir si là, notamment en fonction de tes exemples, peut-être liés à tes exemples ou peut-être pas d'ailleurs, tu pouvais nous partager des signaux faibles de ces métiers qui seraient créés, qui évolueraient grâce à toutes ces techniques biomimétiques dont tu nous as parlé et qui vont se normaliser en 2030 glorieuse. Alors si tu me permets, je vais utiliser le biomimétisme et peut-être aussi dépasser la question du biomimétisme. Une des choses qui me semble extrêmement importante à remarquer, je parlais tout à l'heure de l'agroécologie et de la permaculture, dans beaucoup, pour ceux qui connaissent déjà, hein, qui ont une culture générale de ça en tout cas, je ne parle pas de gens qui connaissent vraiment bien. On a tendance, pour la permaculture par exemple, à circonscrire cette approche à l'agroécologie, donc la production alimentaire. Alors que c'est bien plus que ça, comme tu le sais. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que cette pensée agroécologique qui consistait quelque part à imiter le fonctionnement des écosystèmes, hein, donc on est dans du biomimétisme qui se déclarait pas en tant que tel, mais qu'importe, à la limite, moi je m'en fiche, ce qui compte c'est que des humains, à un moment donné, ont regardé d'autres systèmes non humains pour s'en inspirer. C'est ça qui m'intéresse, plus que le mot biomimétisme ou permaculture ou autre chose. Eh bien là, on se rend compte qu'actuellement, ça commence à peine, hein. Il y a de plus en plus d'entreprises qui essayent d'appliquer ces principes de la permaculture à autre chose que de la pure production agroalimentaire. On va parler de perma-entreprise, avec parfois des abus, hein, comme tout nouveau concept, mais en tout cas, il y a un signal qui est en train de monter, de se dire finalement, cette relation au vivant, cette façon de collaborer avec le vivant pour créer de la valeur pour l'humain et pour plus que l'humain, on peut peut-être l'intégrer dans des concepts comme l'entreprise régénérative. L'entreprise, la perma-entreprise. Mon ami Emmanuel Delannoy a écrit un essai sur la perma-économie, mais son homonyme Isabelle Delannoy, c'est l'économie symbiotique. Et tout ça, c'est le même signal, quelque part, qui s'incarne avec diversité, mais même dans le langage des entreprises, des organisations, on a quitté les métaphores mécanistiques, ma boîte, les rouages de transmission de l'organisation, l'engrenage des organisations, pour des métaphores biologiques, l'ADN de l'entreprise, les écosystèmes d'acteurs, etc. Et ça aussi, ça dit quelque chose. Alors maintenant, là où j'aime bien le biomimétisme, sur les aspects qui sont peut-être un peu plus technologiques, toujours empreintes de philosophie, mais un peu plus technologiques, c'est d'aller là où ça déconnecte quelque part, dans le réel. Ça commence dans les modes de représentation, hein, dans la façon dont on se représente la relation vivante. Et ça s'incarne dans les technologies, dans des choses qui peuvent radicalement transformer le monde dans lequel on évolue. Et il y a des tas d'exemples de technologies qui ont radicalement transformé nos environnements, hein. Il y a qu'à voir un petit peu les conséquences sur la biodiversité, mais aussi parfois les conséquences positives. Bien sûr, il n'y a pas que des conséquences négatives. Alors là où ça devient intéressant, c'est qu'un peu comme une prise de judo, on peut finalement retisser des liens, resynchroniser, en allant discuter avec des ingénieurs, des designers. Je ne dirais pas qu'ils ne s'intéressaient pas à la question du vivant, parce que ça serait péremptoire de penser qu'il n'y a qu'une catégorie de personnes qui s'intéressent au vivant et que d'autres métiers ne s'y intéressent absolument pas. J'ai toujours trouvé des ingénieurs de temps en temps qui étaient des ornithologues amateurs ou qui étaient fascinés de plein de questions relatives au vivant. Mais globalement, quand même, c'est des milieux où on va moins faire le lien avec le vivant. Eh bien, les voir s'émerveiller des recettes de conception d'un banc des tourneaux ou d'une corbeille de Vénus, ou d'un os humain même, et puis se dire « waouh, on n'est pas encore capable de faire la même chose qu'une coquille d'ormeau », eh bien, leur relation au vivant, elle est transformée ensuite, de toute façon. Il y a un nouveau métier qui apparaît, qui est tout simplement celui de biomiméticien et biomiméticienne, capable de faire le pont entre la biologie et différents métiers, capable aussi d'avoir une sorte de maïeutique. Hein. La maïeutique, c'est l'art de poser les questions. Ça ne veut pas dire que ces profils-là sont forcément des biologistes chevronnés. Il faut avoir une appétence pour le vivant, une culture générale du vivant, mais surtout savoir poser les bonnes questions et aider finalement différents métiers en apprenant aussi leur langage, comme je l'ai fait, et j'enseigne ça maintenant, être capable de parler avec des gens de la cosmétique un jour ou bien des infrastructures énergétiques pour les énergies renouvelables le lendemain. Et ça, ça demande de l'entraînement, des passeurs quelque part, des passeurs du vivant vers d'autres métiers. C'est en train d'émerger, d'autant plus fortement que maintenant, par exemple en France, on a la troisième promo du premier master qui est enseigné en anglais à l'ENSI Les Ateliers, une école de design qui est basée à Paris, qui est Bio-Inspired Design, donc le design bio-inspiré, master pro. Donc on a à peu près une quinzaine d'étudiants par promo et on est en train d'accompagner la troisième promo actuellement. Mais à l'université de Pau, tu as un autre master, j'ai contribué aussi à son lancement, sur les matériaux bio-inspirés. Et d'ailleurs, on va lancer la troisième promo également en septembre qui vient. Donc on a finalement un nouveau métier qui est celui de biomiméticien, biomiméticienne, qui est en train d'apparaître. Et à côté de ça, on a aussi, par exemple, dans certains métiers, on va essayer de remplacer des matières qui posent problème par d'autres. Les plastiques, bien sûr, on en parle beaucoup, mais il n'y a pas que les plastiques, le cuir animal, surtout avec tous les enjeux liés aux soins animaux. Eh bien, on a maintenant des designers, des ingénieurs qui développent de nouveaux types de matériaux cultivés avec le vivant. Par exemple, à partir de bactéries ou de kombucha ou de mycélium de champignons pour remplacer le polystyrène. Et quelque part, il y a l'émergence d'un nouveau métier qui est les matériaux culteurs. C'est-à-dire, on va utiliser les déchets, par exemple, alimentaires ou de certaines industries agroalimentaires pour en faire une ressource pour ces champignons qui nous permettront d'avoir des cuirs de champignons qui remplaceront le cuir animal, qui nous permettront d'avoir du mycélium de champignons qui nous permettront de faire du packaging complètement compostable et avec une empreinte environnementale potentiellement même positive. Et on voit de plus en plus des propositions de ce genre émerger. Ça reste des signaux faibles, encore une fois, hein, mais c'était ta question. Mais je fais le pari que ce sont les métiers de très bientôt. C'est déjà en train de le devenir. Permets-moi, Tariq, de rester un petit peu sur cette fenêtre que tu as entrouvert des formations qui permettent de creuser ces questions du biomimétisme. Tu n'as pas mentionné encore, mais je t'invite à le faire, la formation que vous proposez avec l'Institut des Futurs Souhaitables. Et est-ce que tu connais d'autres formations, peut-être un peu plus généralistes ou beaucoup plus spécialisées sur ces questions ? Bien, à part les deux que je viens de te citer, hein, en France en tout cas, il y en a d'autres à travers le monde, mais pas tant que ça, c'est en train de se développer. Je parle vraiment de formations qui sont qualifiantes en termes de diplôme et qui sont professionnelles dans le sens où on a une expertise qu'on peut valoriser par la suite. Mais effectivement, pour ceux qui veulent découvrir une méthodologie basée sur des travaux de thèse, mais aussi sur des applications d'exemples concrets avec des rencontres de différents partenaires qui travaillent dans le réseau des gens qui font du biomimétisme, on propose une formation de 5 jours, mais 5 jours, ça permet d'avoir une très bonne idée. Ça ne nous rend pas biomiméticien ou biométicienne au bout de 5 jours. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai pas commencé par ça, parce que tu me parlais vraiment de nouveaux métiers. Je dirais que la formation Focus Lab, elle est vraiment, je pense, bon, je suis mal placé pour en parler parce que c'est moi qui l'ai conçue, mais encore une fois, pas tout seul, avec le CBIOS, avec des gens qui ont fait des thèses méthodologiques. On rentre dans une découverte outillée de comment faire du biomimétisme, comment passer de la belle idée à l'action. Et puis derrière, il y a ces formations diplômantes que j'ai citées tout à l'heure, avec 2 exemples en France et d'autres exemples aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, moins orienté éco-conception et responsabilité sociale en Allemagne pour le moment, un peu trop tech de mon point de vue, mais c'est en train de changer. Tout ça est en pleine évolution, en pleine émergence, et il y a une organisation qui a été créée, dont j'ai un petit peu la chance aussi d'être membre fondateur, qui s'appelle le CBIOS, Centre Européen d'Excellence en Biomimétisme, qui va regrouper, c'est un peu le grand hub, hein, tous les laboratoires, les entreprises, mais également les formations qui s'intéressent au biomimétisme. Il y a aussi des modules de temps en temps dans certaines écoles, l'école des mines, l'école polytechnique. J'ai eu l'occasion de participer à pas mal de ces modules-là, qui sont un peu des fenêtres ouvertes pour les élèves, y compris d'ailleurs de plus en plus dans les sciences de gestion ou de l'économie, des fenêtres ouvertes sur comment faire du biomimétisme pour découvrir le concept. Pour le moment, on en est là. Mais signal faible qui monte en puissance encore une fois. Ouais, merci pour tous ces partages très précieux, Tariq. Le dernier pourquoi que j'avais envie de te soumettre nous fait revenir un tout petit peu en arrière et à la fois, je pense que c'est une belle porte ouverte pour clôturer l'élan que tu viens de nous donner, de nous partager lors de cette conversation. Tu le disais, notre action, elle sera peut-être perceptible seulement pour les générations à venir. Et dans le fait de dire ça, il y a quelque chose de très beau et à la fois, il y a quelque chose d'un peu écrasant et désespérant et je voulais justement te poser la question et revenir toi à ton expérience et à tes aventures hein, explorateur, chercheur, ingénieur, ce que tu as touché du doigt ces dernières années, ce que tu as vécu, je pense te donne un point de vue particulièrement précieux pour nous montrer à quel point même si on touchera pas, on tirera pas les fruits de notre action immédiatement, pourquoi le fait d'agir, pourquoi le fait de changer radicalement nos modes de vie, c'est pas comme c'est souvent présenté, quelque chose de culpabilisant, de limitant, de rasoir, mais au contraire une formidable aventure qui nous tend les bras. Ouais, c'est une question importante, Julien, et je sais tout ce que tu as pu faire aussi pour essayer d'apporter des réponses à cette question fondamentale. Je pense vraiment profondément que l'espèce humaine à quelque chose de tragique et de formidable en même temps, cette capacité à se raconter des histoires. Cette capacité à se raconter des histoires qui fait qu'on est capable de se massacrer joyeusement, et ça continue malheureusement, sur les fronts de la Première Guerre mondiale ou en Ukraine et en Russie actuellement, et dans bien d'autres endroits du monde, mais également on est capable de descendre pour défendre les droits humains fondamentaux, pour se mobiliser pour les autres espèces, pour la planète, etc. Cette capacité-là, elle est incroyable et elle est extrêmement dangereuse parce qu'on se raconte des histoires qui peuvent être complètement déconnectées des besoins d'autres, des besoins d'autres humains, des besoins d'autres espèces. Je me rappelle, tu vois, cet échange avec les Kogi, les Indiens Kogi de la Sierra Nevada, hein, c'est un peuple précolombien qui a été très très peu touché par les effets de la conquête des conquistadors et qui était extrêmement choqué de voir qu'on grillageait des points d'eau en disant mais attendez, mais l'eau c'est pas que pour les humains, c'est pour des tas d'autres espèces, comment vous pouvez mettre des grillages autour des points d'eau? Je me rappelle aussi un maître tibétain qui disait en passant, après avoir été invité en France et en Suisse, on est quand même bizarre nous les humains en regardant les montagnes, on est capable de dire nos montagnes. C'est une appropriation égotique, mais gigantesque. Nos montagnes, comme si c'était nos montagnes, seulement à nous, les humains. Alors, encore pire, seulement aux Suisses ou seulement aux Français, quand il s'agit des Alpes ou des Italiens. Et donc là, il y a un truc il y a un bug, quelque part, qu'il faut réussir à dépasser. Et je crois que c'est le moment, parce qu'on est en train de s'en rendre compte, c'est le moment où on peut vraiment le dépasser, commencer à travailler au bon endroit, dans une culture de la relation au vivant, qui est en train de se transformer dans la douleur encore une fois, et ça rend la période fascinante, fascinante. Alors, il y a aussi le sens de l'aventure, peut-être qui me caractérise, c'est vrai. Je crois que j'ai toujours aimé aller vivre des aventures, prendre des risques mesurés, mais prendre des risques quand même. Et justement, comment peut-on parler d'aventure sans risque? Sinon, c'est une promenade, c'est pas une aventure. Alors, je dirais pas qu'il faut se concentrer simplement sur l'aspect aventure, elle nous est un peu imposée l'aventure là. Mais c'est aussi l'occasion, les grandes aventures avec les grandes crises, de faire sortir le pire, mais aussi le meilleur de l'humain. Donc voilà ce que j'ai envie de partager. Quel que soit, en lâchant prise quelque part sur le résultat immédiat, faisons sortir le meilleur de nous. Faisons sortir notre cœur, faisons sortir notre sens de l'empathie, travaillons-le, laissons-le s'exprimer déjà naturellement quand il est là et arrêtons de l'entraver. Et s'il y a besoin de muscler cette empathie, alors faisons-le. Ça rend une vie humaine digne d'être vécue. Ça rend une vie humaine qui est vécue dans la joie, même quand c'est compliqué, même quand c'est difficile. Ça nous rend sensibles, ça nous rend capables d'accueillir aussi nos faiblesses, de mettre un genou à terre et de nous relever. Ça fait une belle vie, même dans les difficultés. Voilà l'invitation sur laquelle je voudrais rester. c'est pas tant le chemin qui mène à un but, c'est le chemin lui-même, comme le disent beaucoup de sagesse. Et là, on est en train de parcourir un sacré chemin, très aventureux, et qui est du coup très beau, très capable de nous faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Atterrir un peu et nous permettre de mettre le pied à l'étrier là pour toutes les personnes qui nous écoutent, Tariq. Après cet échange passionnant, je termine avec deux petites questions. La première, c'est qu'est-ce que tu conseillerais là aux personnes qui nous écoutent pour les faire advenir ces 2030 glorieuses qu'on vient de décrire le temps d'une conversation. Par quoi continuer là une fois que le podcast sera terminé? Oui, mon conseil, c'est peut-être un petit peu, et là encore, tu vois, je tiens à citer d'où me viennent ces inspirations. Peut-être que tu connais Joanna Macy, Julien ? Oui, tout à fait. Voilà, j'aime beaucoup cette façon de présenter les choses de Joanna Macy dans ce qu'elle appelle la spirale du changement. D'abord, s'ancrer dans la beauté et la gratitude. Reprendre de la hauteur, relever le nez tous les jours, regarder un arbre. Dites-vous, mais c'est incroyable, cet arbre, déjà, ce sont des algues, il y a des millions d'années, qui ont réussi à conquérir les continents. Enfin, conquérir, c'est un terme un petit peu trop guerrier, mais à aller sur les continents. Elles se sont organisées en un récif incroyable qu'on appelle un arbre, et qui est un grand mystère, une grande beauté. Regardez aussi un oiseau en vous disant, leurs ancêtres sont les descendants directs des dinosaures qui ont survécu à la météorite. Chaque espèce qui nous entoure est un véritable miracle qui a résisté. Elle a résisté à des tas et des tas de conditions. Elle a évolué, elle s'est adaptée. Et tout ça est né à partir d'une bactérie il y a peut-être 4 milliards d'années dans l'océan primordial. Et on descend toutes les espèces que l'on croise, on descend de cette bactérie que les scientifiques ont appelée LUCA, Last Universal Common Ancestor. Absolument toutes les espèces que vous croisez dans votre quotidien, on est cousins en évolution, comme le disent certains peuples racines. C'est vrai, la science le dit aussi, c'est juste une question de pas de temps. Donc rien que ça, s'ancrer dans cette conscience, et ça ne nous empêche pas de manger d'autres espèces, hein, mais avec cette conscience-là, cette sorte de fraternité élargie, très très élargie certes, parce qu'on parle de milliards d'années parfois, mais sur une autre planète, c'est un autre arbre de la vie. Eh bien ça, ça nous permet ensuite de regarder les problèmes d'un autre point de vue, ce que Joanna Macy appelle donc s'ancrer dans la gratitude et affronter notre peine pour le monde ensuite. Oui, quelque part aussi, ce que j'ai envie de partager avec vous, et ça vient de Joanna, c'est mieux quand ça nous fait mal que l'indifférence. Parce que même quand ça nous fait mal, ça veut dire qu'on est connecté, en fait. Qu'on n'est pas coupé de la situation. Il ne faut pas rester coincé là, par contre. Il ne faut pas rester coincé dans la peur, la colère. Mais mieux vaut ça que l'indifférence. Et quelque part, ça nous permet aussi d'accepter les peurs et les colères des autres. Le pire, c'est l'indifférence. Parce que là, il n'y a pas vraiment possibilité, en fait, d'interagir et donc de changement. Et une fois qu'on a regardé en face la situation sans nous mentir, alors il ne faut pas rester là non plus. Il faut se mettre dans l'action vers nos futurs souhaitables. Et encore une fois, en n'étant pas certain qu'on aura le résultat souhaité. Par contre, il faut mettre toute l'énergie, que certains diront un optimisme offensif, et d'autant plus offensif qu'il sait que c'est une ligne de crête qui a de l'incertitude totale par rapport à l'aboutissement. Mais ce n'est pas grave, encore une fois. Ce n'est pas grave. Parce que c'est un chemin beau et un chemin juste, et c'est un chemin du cœur et de la réconciliation. Quelles ressources tu nous recommandes, Tariq, pour continuer à creuser ces sujets? Est-ce que tu as deux, trois ressources phares, des livres, des podcasts peut-être, des documentaires, je ne sais pas? Il y en a plein, j'aurais du mal à faire un choix vraiment exhaustif, mais en tout cas, je vais en recommander quelques-uns. Je dirais que en ce qui concerne peut-être la place de l'aventure humaine dans la toile de la vie. J'avais beaucoup aimé à une époque un livre de Fridtjof Capra qui s'appelle justement La toile de la vie, je crois. J'ai plus le nom traduit en français, mais ça a été The Web of Life en anglais. Bien sûr, le livre de Janine, qui est peut-être un peu ardu parfois, Janine Binius, hein, cette américaine qui a pour la première fois posé l'intention du biomimétisme en 1997 dans un livre qui s'appelle Biomimétisme. Hein. Lorsque la nature inspire l'innovation, dans la traduction française, aux éditions de l'Échiquier. Le livre de mon ami Gauthier Chapelle aussi, sur le vivant comme modèle. Voilà. Et des podcasts, j'adore les podcasts de France Inter, sur les épaules de Darwin, par exemple, où on apprend des tas de choses. Pour les enfants, il y a des tas de podcasts aussi maintenant extrêmement intéressants qui nous font découvrir le vivant. Le plus important, en fait, ce sont des occasions de découvrir les autres espèces, de les regarder différemment, de comprendre leur stratégie, leurs besoins. C'est ça le plus important. Donc, ma recommandation, c'est quelle que soit la ressource que vous aimez, allez à la découverte des autres espèces. Essayez de comprendre leur point de vue, leur façon d'occuper un territoire, le même territoire. Si vous avez un jardin, mettez-vous un petit peu dans la posture de dire « ce n'est pas mon jardin, ce sont des territoires de plein d'autres espèces ». Et regardez comment elles habitent ces territoires, qui sont votre territoire, mais aussi leur territoire. Regardez comment ça évolue en fonction des saisons. Simplement peut-être revenir à l'observation. Télécharger des applications qui vous permettent d'identifier les plantes, d'identifier les animaux, ça aussi c'est important. D'en apprendre un petit peu plus sur nos voisins. Tu vois, il y a des tas de directions possibles en fait. Le plus important, c'est l'intention. Par la connaissance, augmenter la compréhension, augmenter l'empathie, et moi je fais confiance aux fruits qui sortiront de ce type de transformation. Il n'y a pas ça, la solution risque d'être un peu trop technologique, d'être un peu trop une recette qui est déconnectée du contexte. Apprenez à regarder, apprenez à observer, c'est ce qu'on dit en permaculture, et je pense que c'est très très important. Merci Tariq. Et ça y est, cet épisode avec Tariq Tchak-Tchak vient de se terminer. Je ne vais pas être long sur le débrief là, parce que c'était tellement riche, tellement dense que je viendrai juste porter atteinte à tout ce que nous a partagé Tariq. Je ne ferai que citer un livre auquel il a contribué, qui s'appelle « L'animal est-il l'avenir de l'homme ?» qui creuse la question de l'intelligence animale et qui est vraiment passionnant. Et puis aussi, Tariq est souvent revenu sur son travail, son rôle au sein de l'Institut des Futurs Souhaitables. Et donc, je vous recommande aussi d'écouter, si vous ne le connaissez pas encore, le podcast qui est créé par Mathieu Baudin, qui est l'un des cofondateurs de l'Institut, et qui s'appelle « Dites à l'avenir que nous arrivons ». C'est absolument passionnant. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que, comme moi, il vous a vraiment, vraiment touché en plein cœur. Et je vous dis à très vite pour, je l'espère, d'autres épisodes des 2030 Glorieuses du même acabit. Allez, salut. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuses avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !